Émile Zola, Les mystères de Marseille. Préface. Ce roman a une histoire qu'il n'est peut-être pas inutile de conter. C'était en 1867, au temps difficile de mes débuts. Il n'y avait pas chez moi du pain tous les jours. Or, dans un de ces moments de misère noire, le directeur d'une petite feuille marseillaise, le messager de Provence, était venu me proposer une affaire, une idée à lui, sur laquelle il comptait pour lancer son journal. Il s'agissait d'écrire, sous ce titre, « Les mystères de Marseille », un roman dont il devait fournir les éléments historiques en fouillant lui-même les greffes des tribunaux de Marseille et d'Aix afin d'y copier les pièces des grandes affaires locales qui avaient passionné ces villes depuis 50 ans. Cette idée de journaliste n'était pas plus sotte qu'une autre, et le malheur a été sans doute qu'il ne fût pas tombé sur un fabricant de feuilletons ayant le don des vastes machines romanesques. J'acceptai la proposition tout en ne me sentant ni le goût ni les aptitudes nécessaires. À cette époque-là, je faisais bien d'autres besognes rebutantes dans le journalisme. On devait me payer 2 sous la ligne et j'avais calculé que ce travail me rapporterait environ 200 francs par mois pendant 9 mois. C'était en somme une aubaine inespérée. Dès que j'eus les documents, un nombre considérable d'énormes dossiers, je me mis à la besogne, en me contentant de prendre pour intrigue centrale un des procès les plus retentissants et en m'efforçant de grouper et de rattacher les autres autour de celui-là dans une histoire unique. Certes, le procédé y est gros, mais comme je relisais les épreuves ces jours-ci, j'ai été frappé du hasard qui, à un moment où je me cherchais encore, m'avait fait écrire cette œuvre de pur métier et de mauvais métier, sur tout un ensemble de documents exacts. Plus tard, pour mes œuvres littéraires, je n'ai pas suivi d'autres méthodes. Donc, pendant 9 mois, j'ai fait mon feuilleton 2 fois par semaine. En même temps, j'écrivais Thérèse Raquin, qui devait me rapporter 500 francs dans l'Artiste. Et lorsque le matin j'avais mis parfois 4 heures pour trouver 2 pages de ce roman, je bâclais l'après-midi, en 1 heure, les 7 ou 8 pages des Mystères de Marseille. Ma journée était gagnée, je pouvais manger le soir. Alors, pourquoi ressusciter un tel ouvrage de son néant après 18 années? Pourquoi ne pas le laisser dormir le sommeil de l'oubli auquel il est destiné fatalement? Voilà les causes qui me déterminent à en donner cette nouvelle édition. J'entends détruire une des légendes qui se sont formées sur mon compte. Des gens ont inventé que j'avais à rougir de mes premiers travaux. Et à ce propos, des libraires de Marseille m'ont raconté que certains de mes confrères, qu'il est inutile de nommer ici, ont fouillé leur boutique pour découvrir un des exemplaires de la première édition, devenu très rare. Les confrères, évidemment, espéraient y trouver un péché caché, une faute littéraire dont je voudrais effacer la trace. Et si on leur avait fait payer 30 francs l'exemplaire, comme on me l'a dit, je les plains de cet abominable vol, car ils n'en ont certainement pas eu pour leur argent. Cette idée que j'avais un cadavre à cacher s'est tellement répandue qu'aujourd'hui encore, de loin en loin, je reçois une lettre d'un bouquiniste marseillais qui m'offre à prix d'or un exemplaire retrouvé, offre à laquelle je m'empresse de ne pas répondre. La plus simple façon de détruire la légende est donc de réimprimer ce roman. J'ai toujours écrit au grand jour, j'ai toujours dit à haute voix ce que je croyais devoir dire, et je n'ai à retirer ni une œuvre ni une opinion. On pense me chagriner beaucoup en exhumant des pages mauvaises, du tas énorme, de prose que, pendant près de 10 ans, j'ai dû écrire au jour le jour. Toute cette besogne de journaliste n'a pas grande valeur, je le sais. mais il me fallait gagner ma vie puisque je n'étais pas née à la littérature avec des rentes. Si j'ai touché à tout, dans des heures bien pénibles, c'est là un labeur dont je n'ai pas de honte. Et j'avoue même que j'en suis un peu fière. Les mystères de Marseille rentrent pour moi dans cette besogne courante à laquelle je me trouvais condamnée. Pourquoi en rougirais-je? Ils m'ont donné du pain à un des moments les plus désespérés de mon existence. Malgré leur médiocrité irréparable, je leur ai gardé une gratitude. Il est encore une raison que je dirais, si l'on me poussait un peu. Je suis d'avis qu'un écrivain doit se donner tout entier au public, sans choisir lui-même parmi ses œuvres, car la plus faible est souvent la plus documentaire sur son talent. Le choix s'établit par l'élimination naturelle des livres mort-nés. Et en attendant que ce roman des mystères de Marseille périsse un des premiers parmi les autres, il ne me déplaît pas s'il est d'une qualité si médiocre qu'il fasse songer au lecteur quelle somme de volonté et de travail il m'a fallu dépenser pour m'élever de cette basse production à l'effort littéraire des Rougon-Macquart. Émile Zola, Médan, juillet 1884.